le net au cfou.ca. 89.1. Vous êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Je me nomme Sophie Laforêt et encore une fois, j'aurai le plaisir de vous accompagner de 18h à 19h pour la prochaine heure, en fait, pour vous proposer encore une heure de musique variée et vous partager également les découvertes musicales de la semaine. Et justement, à l'émission de cette semaine, nous aurons entre autres des formations montréalaises telles que Handsome Fures, Numéro, The Gears, ainsi que d'autres formations non montréalaises. Parce que oui, il y a de la musique aussi en dehors de Montréal. Ça existe. Et sans plus tarder, je vais vous proposer un premier bloc qui est un bloc folk rock qui va être assez doux et calme. On va commencer dans la sérénité et le bonheur. Tout d'abord avec la formation montréalaise El Motard. Alors, vous êtes à Chérie m'écoutes-tu sur les ondes estivales de C'est fou 89.1 FM. Se semble. résolution s'empile entre l'écran et moi. Le soir des faits est vide, le cœur à côté. J'écoute rock ma télé néon. Je travaille trop fort de mon bord. Soul de job, soul encore. Toute seule jusqu'à la fin. Thank you. OK. Mais je voulais comme... Ah! Sur ces belles paroles, c'était Carl-Éric Hudon avec la pièce Repentini d'un album qui s'est fait en collaboration avec Danny Placard. C'est l'album Hudon Placard. Et tout juste avant, on avait Émilie Proulx avec la pièce toute seule de son album La lenteur alentour, paru en mars dernier. Émilie Proulx qui avait fait un mini-album en 2007 qui s'appelait Dans une ville endormie, qui introduisait cette jeune auteure-compositrice-interprète qui est active depuis 2004 environ. Et cet album-là, paru en 2009, justement, est complet, un album complet. Et je vous invite à aller visiter son site internet, soit le emilieproulx.com, et vous pouvez télécharger des pièces gratuitement et la découvrir un peu plus. Et c'est sûr que elle s'inspire d'artistes comme Johnny Mitchell, Cat Power, Radiohead. Ça reste un peu comme ce qu'on vient d'entendre. Ça dérape pas. Non, Émilie Proulx ne dérape pas, mais c'est vraiment un album qui est excellent pour l'avoir écouté tout récemment. Et au début du bloc, nous avions la formation montréalaise El Motard avec la pièce Perce-oreille et salade de leur album éponyme. Et ils seront en spectacle le 16 octobre prochain à la salle Anaïs Rousseau de Trois-Rivières avec Louise Forestier, qui d'ailleurs est la mère d'un des membres de ce groupe, mais je ne saurais dire quel membre. Alors si quelqu'un a la réponse, vous pouvez toujours m'écrire, justement, sur soit le profil MySpace de Chérie Mikoutsu ou sur le groupe Facebook également. Et l'adresse du profil MySpace de Chérie Mikoutsu est le www.myspace.com/c'est fou chérie. Et vous pouvez consulter le profil tout de suite après l'émission pour connaître les pièces qui ont joué, ainsi qu'un lien vers les artistes qui ont joué à l'émission pour les connaître davantage. C'est toujours plaisant. Et sur ce, on va se tourner du côté anglophone avec, encore une fois, un bloc folk rock. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie Mikoutsu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. So tired now, all together in snake bitten souls. New days, throw your chains away. Try to hang your hopes on the wind. stairway to hell. I know that sounds familiar, 'cause we've heard it all before. See, I got nothing up my sleeves, but you got dreams of taking someone else's dreams. My share of trouble, I'm sick of playing the blues and revels taking over without a clue. But they got dreams taking someone else's dreams away. They got dreams of taking someone else's dreams. fait la formation montréalaise And Some Fears avec la pièce What We Had. Et cette pièce est tirée de leur premier album du nom de Prague Park. Leur deuxième album nommé Face Control est paru en février dernier. Et donc, ce duo montréalais composé du chanteur de Wolf Parade, Dan Booker, et de sa femme Alexis Perry. Et tout juste avant, on avait une autre formation montréalaise, The Dears, avec la pièce Dream Job, tirée de leur quatrième album studio du nom de Missile, ou Missile en français, c'était un peu plus beau, dit dans ma bouche comme ça, qui est paru en octobre 2008. Et The Dears, c'est une formation montréalaise active depuis 1995, et seul le leader du groupe Murray Lightburn et sa femme Natalia Yann Schack sont membres du groupe depuis le début. Sinon, le reste des membres ont varié depuis la formation. Et au début du bloc, nous avions Beck avec la pièce Little One de l'album Sea Change, qui est le cinquième album de la discographie de Beck qui est composé aujourd'hui de 8 albums au total, 8 albums studio. Et cet album-là est plutôt acoustique avant les escapades électro que Beck a fait avec ses albums Guero et Information. Et il est revenu plus dans une sphère rock avec son plus récent album Modern Guilt. Et l'album, justement, Sea Change, sur lequel se retrouve la pièce qu'on a entendue, a été réalisé par Nigel Godrich, qui est également le producteur du groupe Radiohead. Et je vous dirais que l'album Sea Change pourrait ressembler un peu à l'ambiance qui ressort de OK Computer, même si le producteur a également fait The Bends et le plus récent album de Radiohead, In Rainbows, également. Et sur ce, sur ces belles paroles, ceci dit, on va aller vers une courte pub et au retour, on va changer de rythme carrément et on va se diriger du côté de l'électro dans la francophonie tout de suite après cette courte pause. Et vous êtes à Chérie Micoutsu sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Encore au naturel, au réveil, elle prend la tangente et tombe en pamoison devant un parterre de tulipes en papier qui lui rappelle que ses yeux ont rendez-vous avec un spécialiste, le meilleur de la région, conseillé par son ami Annie qui elle aussi a eu du souci en son temps. Une armée de sourires lui scintille sur ses a priori. Elle serre les fesses et attend que ça passe. Et pendant chaque silence, à coup de langue, elle a Catherine de Neuve. Et pendant chaque silence, un coup de langue, elle a Catherine de Neuve. Toujours au naturel, en soirée, la tête dans la sono, un verre de trop, décolleté bien gonflé, elle s'arrête dans les yeux d'un garçon et se rappelle du prix de ses nichons. C'est pas trop long, très vite, elle fonce vers la conversation en suçant un glaçon. Elle sait qu'elle a l'air con, mais elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est plaire à ce garçon. Catherine de Neuve. Dans ses rêves et dans les magazines qu'elle dévore le lundi avec ses copines, le glamour en papier, un ami bien tranquille, un ami bien tranquille. Et pendant chaque silence, pendant chaque silence, un coup de langue à la Catherine de Neuve. Et pendant chaque silence, pendant chaque silence. isolé sur la plage. Je veux me voir plus loin. Moi au bord de la côte, j'envie la pleine mer. Et j'écris sur le sable. Ceux qui ne savent pas, là où seul un avion blanc me distinguera. Oh, au ciel transforme ce que je ne peux pas leur dire. Oh, et ces méduses me parlent de l'histoire du naufrage. Dans mon oreille, le vent souffle la fin du voyage. Sur le pont du navire, je vois cet homme se battre. Le regard et me procure l'ivresse du grand large. Ce que je ne peux pas leur dire. Si l'orage intervient, je comprendrai le signe. La vague, le bruit, le ressac. Je ne pourrai plus m'en aller. Le large coup, le signal. Ça sert à rien de crier. Je veux juste rester plus longtemps pour voir que ça part sans toucher. Je sais que là-bas ils attendent tout autour d'un feu modelé. J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main. comme mon fiancé. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. J'ai pas envie de l'avoir nu. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. On vient d'entendre une reprise de la pièce Le Troisième Sexe, qui est originalement de la formation française Indochine. Mais là, c'était repris par Miss Kittin, qui est une DJ française d'électro. Et cette pièce se retrouve sur son premier album solo qui s'appelle ICOM, paru en 2004. Parce qu'auparavant, elle a beaucoup travaillé avec un autre DJ français du nom de The Hacker, qui est également producteur de musique techno. Et donc, c'est une charmante entreprise. Et la version originale d'Indochine se retrouve sur leur troisième album paru en 1985 du nom de Troy. Et parlant d'Indochine, pour les intéressés, ils seront en spectacle mardi, demain, le 14 juillet, au Festival d'été de Québec à 22h. Alors, pour ceux qui auront la chance de se rendre à Québec, bon spectacle. Et avant Indochine, avant Miss Kitten qui reprenait Indochine, nous avions la formation Electropop de Montréal numéro avec la pièce Méduse de leur deuxième album Sport de combat paru en 2009 et numéro qui est actuellement sur les palmarès francophones de C'est fou depuis un bon moment déjà. Leur pièce Tonton Klaxon était première tout récemment, un peu avant l'été, et là c'est la pièce Tout est parfait qui est au numéro 2 du palmarès francophone de C'est fou. Et au début du bloc, nous avions Prototype, qui est une formation française d'électropop, avec la pièce Un coup de langue de leur dernier album Synthétique, qui est leur troisième album paru en 2008. Et maintenant, on va rester encore dans l'électro, mais un autre genre d'électro. On va commencer avec un bloc qui va s'initier par le folk, avec une pièce qui est folk et qui termine avec de l'électro plus planant. Et la toute dernière pièce qu'on va entendre de ce bloc-là également est une pièce d'électro planant. Alors, tout ça en planant ensemble, vous et moi, on va aller écouter ce bloc. Vous êtes à Chérie, m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Come into my bedroom, you're original. And I'm original too. A safe trip home over mountains and highways and ditches full of chamomile. I don't know why they say that I need you. Why they say that I need you. I don't know why they say that I need you. Why do they say? And see trays and drive across the north with me. There's things up there that even you see, such as horses that are raised in the cold and remain in the cold from the day that they're born until the day that they're down in the musket.

C'était le duo de musique électronique Macintosh Brown, qui est un duo originaire de l'Oregon. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Good So Far, tirée de leur album The Sound. Et si vous avez apprécié cette pièce, je vous conseille fortement de télécharger l'ensemble des pièces qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'elles sont disponibles premièrement gratuitement. Et deuxièmement, si vous avez aimé ce qu'on a entendu, ça ressemble beaucoup à ça. C'est un album qui est très, très constant. Et c'était ça le but, justement, de ce groupe, c'est de faire un album constant. Et que dès qu'on aime une pièce, en fait, on écoute l'album au complet et on reste dans le même range. C'est bien dit, ça, en français? Même range. Je vais l'assumer, je vais leur dire. Donc, c'est dans le même range du début jusqu'à la fin. Et avant, dans ce bloc, on avait Sébastien Scholler, qui est un chanteur français, avec la pièce Sleeping Song de son album Happiness, qui est paru en 2005. C'était son premier album. Et son deuxième album, Evenfall, est paru le 25 mai dernier en France, mais n'est toujours pas disponible ici. Alors, dès que ce sera disponible, on entendra ça assurément à Chérie M'écoute-tu, et ce, prochainement. Et au début du bloc, nous avions un autre duo d'électro, folk. En fait, c'est une espèce de mélange de folk et d'électro. Et d'une pièce à l'autre, ça varie. Le duo se nomme Ellie Hazard versus John. La pièce qu'on a entendue, c'est Chamomile de leur album Pits in the Sandblaster. Et c'est un duo qui vient d'Edmonton en Alberta, un duo canadien. Et pour savoir encore plus de choses sur ces artistes, vous pouvez vous rendre sur le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/cfouchérie, C-F-O-U-C-H-E-R-I, sans accent. Et ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que l'émission s'achève déjà. Et oui, malheureusement, il est bientôt 7 heures. Mais on va quand même se laisser avec une pièce qui va nous emmener un peu au-delà de 7 heures. Et je vous invite également à être à l'écoute la semaine prochaine, lundi prochain, encore une fois, pour une autre émission de Chérie M'écoute-tu de 18h à 19h. Et en attendant, l'émission de mon ami Simon Fitzbé, l'émission Évolution, qui sera en ondes dès 20h. On va justement entendre cette pièce, qui est une pièce de la formation Broken Social Scene, qui est une formation d'indie rock de Toronto composée de Kevin Drew et Brendan Canning. C'est les deux membres principaux, mais s'ajoute à ces deux membres plusieurs membres invités de d'autres formations canadiennes, entre autres comme Emily Haynes, qui est la chanteuse de The Matrix, Leslie Feist, qui est connue sous ce nom-là, et Murray Lightburn également, qui est le chanteur de The Dears qu'on a entendu un peu plus tôt à l'émission, qui justement collabore parfois sur certaines pièces de cette formation. La pièce qu'on va entendre s'appelle Lover's Pit de leur album Beehive, paru en 2004. Et justement sur cette pièce-là, on va entendre Leslie Feist qui chante sur cette pièce que j'adore, qui est vraiment, vraiment, vraiment belle. Et justement, je vous invite à l'écouter dès maintenant. Et on se retrouve lundi prochain pour une autre émission de Chérie M'écoute-tu. Et je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. I like it all that.